Bonjour et bienvenue dans La Flasque et la Brume, votre émission cinéma décomplexée qui donne la parole, sans langue de bois, aux acteurs et réalisateurs du 7e art. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Kermalek. Erwan, bonjour. Bonjour. Erwan, vous êtes scénariste et réalisateur originaire de Marseille. Oui, tout à fait. C'est original. Vous avez à ce jour réalisé 3 longs métrages. Donc, le premier date de 2003 qui s'appelle Arrête ou ma cité va crier. Oui, tout à fait. Ouais. Un drame urbain, ouais. Quoi. Oui, c'est ça. Ensuite, On va faire un drame, ouais. Un instant, Victor, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons La Boniche, l'appel et la truelle, qui est sorti en 2012, un film très engagé dans le milieu paysan et qui dénonce la place de la femme dans le milieu agricole. C'est exact. Merci. Ok, oui. Merci Erwan. Et du coup, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir pour parler de votre nouveau film « Last Night in Vertou ». Un film qui raconte l'errance d'un homme dans une zone industrielle, sa rencontre avec Brigitte, une caissière du Brico-Dépôt. Bon, elle a 3 fois son âge. Un amour impossible et subversif, l'absurdité d'une industrie de vente de matériel de bricolage en perdition. C'est ça, exactement. Merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. Faut que vous sachiez que je suis pas très à l'aise. Du coup, j'ai également le plaisir d'accueillir Victor Eraplasung. Bonjour Victor. Bonjour Armel, bonjour Erwan. Bonjour. Victor, vous êtes donc notre critique cinéma depuis de nombreuses années et auteur aussi de plusieurs livres spécialisés dans le 7e art aux éditions à compte d'auteur. Oui, c'est mes éditions. Tout à fait. Alors, vous avez publié, si je ne m'amuse, « Histoire des films de karaté tchécoslovaque de 1923 à 1938 ». Tout à fait, oui. Voilà. Et deux, « Pourquoi la planète des animaux aux 4 pouces opposables est bien meilleure que 2001, l'odyssée d'un voyage interminable et ennuyeux, anatomie d'une perte de temps intersidérale ». Oui, tout à fait, c'est mon dernier ouvrage. Eh bien écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'écouter La Flasque et la Brume. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Armel Couvert et je suis en compagnie donc de Erwan et de Victor Eraplasung. Et Erwan, je vous laisse dans les mains expertes de Victor Eraplasung, notre analyste et critique cinéma. Alors déjà, bonjour, enfin rebonjour Erwan Kermalek, ravi de vous rencontrer et d'avoir l'occasion d'enfin, si j'ose dire, échanger avec vous, enfin je dis enfin parce que quand je vous adresse la parole sur Twitter, enfin il faut plus dire Twitter paraît-il, il faut dire ISK, enfin IX, enfin c'est un nom déplorable, enfin bref, je veux dire d'habitude quand j'essaie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux, vous ne me répondez pas mais bon soit, une première question quand même concernant votre filmographie, votre dernier film, Last Night in Vertou se situe, si je ne me trompe pas, dans le 44, en Loire-Atlantique, donc en Bretagne historique, si j'ose dire. Donc, ça y est, enfin, vous assumez l'origine de votre patronyme, Kermadec, et vous abandonnez la Provence, vous abandonnez la bouillabaisse pour la galette saucisse, vous abandonnez le pastaga pour le sous-seine, vous abandonnez Zoul avec qui vous étiez amis, je crois, pour Mano, avec qui vous étiez pas amis, je crois, alors que votre arrière-grand-père était lui-même le fils du forgeron et s'appelait Hakim, comme le veut la tradition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Victor, merci beaucoup de... Non, parce que dans certains cercles, on se demandait si, au fond, vous n'assumiez pas que votre vrai nom ne soit pas Kermadec, mais bien de Kermadec, et que votre aïeul Zamlui de Kermadec était l'un des chefs des armées Swan, et qu'une partie de votre famille a été bénévole au Puy du Fou. Ce qui est quand même un peu la honte, faut l'avouer. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Alors, en fait, oui, c'est vrai que... Alors, je pensais pas qu'on allait parler de mon nom de famille, mais Kermadec, c'est le nom de mon grand-père qui a immigré à Marseille en... Très bien, donc je note que vous souhaitez éviter la question. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? La question, justement, j'étais en train de vous dire que mon grand-père, qui s'appelait Kermalek, justement, a immigré à Marseille en 56. et que bah c'est là que mes parents ont grandi. Excusez-moi, sont... moi, c'est pas les infos que j'ai. J'ai l'impression que vous essayez de noyer la race casse, si je puis me permettre ce trait d'humour. Mais bon, soit, on j'ai bien noté, hein, vous souhaitez pas répondre à la question. Bon, ça se confirme ce que j'ai écrit dans un thread sur Twitter, enfin sur Isk, comme il faut dire maintenant, hein, que vous avez écrit en 2011 et auquel vous n'aviez pas répondu. Mais soit, bon. Je comprends pas bien. Non, ne le prenez pas sur ce ton, s'il vous plaît. Hein. Ne le prenez pas sur ce ton avec moi, ça n'a rien de personnel. On va revenir à votre filmographie parce que je sens que le sujet familial vous met mal à l'aise et franchement, à votre place, moi aussi, je serais mal à l'aise si j'avais des aïeux d'extrême droite. Mais bon, soit, revenons-en à. C'est pas du tout ça. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Est-ce que vous pouvez me laisser quand même développer ma critique Vous êtes fort, donc, Victor, vous êtes très fort. Oui. Bah, je le savais, mais bon, c'est gentil de le souligner, Armel. Donc, revenons sur votre filmographie. Ça, j'espère que vous allez l'assumer, contrairement au passé de votre famille, hein. Donc, à la 14e minute de votre premier long métrage, Arrête où ma cité va crier, on remarque à l'arrière-plan que l'un des figurants porte un Marcel blanc et qu'il sort d'une boulangerie, la Micaline, ce qui est, à n'en pas douter, une référence plus qu'évidente, peut-être même trop évidente, mais ça sera, j'aimerais vous entendre sur ce point. Donc voilà, est-ce que c'est une référence divaise au film L'épouse infidèle du mec qui fait le pain? Qu'en pensez-vous? Alors Victor, excusez-moi, je vous avoue que quand on est réalisateur et scénariste, on s'occupe pas forcément de tout ce qui est figuration. Et alors, pour être tout à fait honnête... Non, parce que ça semble quand même comme un passage obligé lorsqu'on est un réalisateur marseillais. Est-ce que c'est pas un héritage trop lourd à porter? Loin de moi de dire que vous surinterprétez un petit peu le film, mais pour être tout à fait honnête, je me rappelle pas exactement de cette scène. Je comprends pas exactement. Non, mais est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux, voire même inconscient ou irrespectueux lorsqu'on est un jeune réalisateur qui se rêve sûrement auteur, à défaut de l'être tout à fait, voire de l'être tout court? Pardon. Parce que aujourd'hui, vous voyez comme un auteur ou comme un réalisateur? Excusez-moi, je sais pas exactement où vous voulez en venir. Moi, Non, parce que déjà, à l'époque, vous l'étiez pas encore. Ça n'a rien de personnel, hein, ça n'a rien de personnel. Ah oui, ok, d'accord, oui. Non, parce que se frotter ainsi un monument de la culture française, voire occidentale, est-ce que c'est pas trop lourd à porter? Je suis assez d'accord quand même avec Victor sur ce point-là par rapport à la baguette, hein, franchement. Alors, si vous faites référence au film que vous avez... Alors, c'est vrai que je n'ai pas vu ce film, donc il est impossible pour moi de faire... Ah, donc vous n'avez pas vu L'épouse infidèle du mec qui fait le pain? Mais ça, on croit rêver, quoi, on croit rêver. Non, je l'ai pas vu, mais alors si vous avez des conseils à me donner... sur le cinéma français, oui, j'avoue que je n'ai pas tout vu. Bah écoutez, bon, après l'émission, j'espère que vous avez pris un carnet, parce qu'après l'émission, je vais vous donner un cours particulier, hein. Mais bon, soit, bon, encore une fois, comme je l'ai dit, ça n'a rien de personnel, mes questions n'ont rien de personnel, hein, ne le prenez pas sur ce ton, on n'est pas là pour parler de vous ou de moi, hein, on ne juge pas l'artiste, encore moins l'homme, on ne juge rien du tout, on ne juge rien ni personne, tout court, on est là pour donner un avis neutre et objectif sur votre œuvre, voire même plus exactement sur une partie de votre œuvre, hein, on segmente, on compartimente. D'ailleurs, c'est ce que moi-même je fais, hein, par exemple, vous le savez très bien, Armel, hein, dans mes critiques. Tout à fait, Victor. Ah non, vous compartimentez. Excusez-moi, oui, Victor et Armel. En fait, moi, je m'étais mis dans l'idée que j'étais invité ici pour. Non, mais s'il vous plaît, c'est en train de vous expliquer comment on analyse un film, parce que déjà que vous avez visiblement des lacunes dans votre culture cinématographique, je vous explique comment on analyse un film, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. C'est incroyable comme vous monopolisez la parole. Non, mais c'est. On croit rêver. Parce que moi, si vous voulez, moi, je suis un critique professionnel. Et je compartimente. Par exemple, dans mes critiques, j'explique aussi la musique du film. Est-ce que je peux parler, Armel? Oui, bien sûr. Alors, Victor. Mais j'ai pas fini quand même. Est-ce qu'on peut me laisser Victor, terminer? J'explique. Mais ne vous énervez pas, Victor. Mais je m'énerve pas. Je suis super calme. Je suis dans mon état normal, là. D'accord. Donc, j'explique quels sont les différents instruments qui compose l'orchestre. Ah bah oui, c'est important, voilà, aussi. C'est le seul qui le fait quand même, oui, dans tout le paysage audiovisuel français, c'est le seul qui le fait, et je trouve ça quand même incroyable, monsieur Kermalek, surtout connaissant le passé de votre famille, que vous osiez remettre en question mes capacités d'analyste et de critique. Il a pas alors, tort. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu là. Est-ce qu'on pourrait laisser justement ma famille en dehors de tout ça? Moi, j'ai fait l'effort de venir ici pour parler de mon nouveau film, en fait, aujourd'hui, dont je suis assez fier de faire la promo, même si je suis... Eh bah justement, justement, vu que vous souhaitez parler d'actualité cinématographique, c'est génial, vous me tendez une perche, ça c'est formidable. On pourrait parler effectivement d'actualité cinématographique et de quelque chose de peut-être un peu plus important et de plus intéressant, concernant tout ce qui est cinéphilie. Donc, est-ce que vous êtes allé voir la biographie du physicien qui a dirigé l'équipe qui a inventé la grosse bombe qui fait boum? Vous parlez de Oppenheimer, j'imagine. Non, je parle de la biographie du physicien qui a dirigé l'équipe qui a inventé la grosse bombe qui fait. Mais c'est incroyable, ça. Non, mais il est réalisateur, lui. Non, mais Armel, je mais sérieux. Victor, t'arrêtes je de comprends. M'inviter des ringards, mais j'en ai marre, non, quoi. Excusez-moi, je suis complètement perdu, là. Je sais pas trop ce qui se passe. Film, avec celui qui a créé la bombe. Oui. Voilà, répondez, mais c'est quand même pas dur. En plus, et franchement, je vais vous mettre à l'aise. Répondez ce que vous voulez. Franchement, vous en faites pas. Hein. Quoi qu'il arrive, j'ai écrit un thread Twitter, enfin ISK comme il faut dire maintenant, et dans tous les cas, je dirais que votre réponse est lénifiante et pathétique à l'image de votre filmographie, et j'expliquerai à quel point j'ai mieux compris le film que vous, parce que je suis plus fort que vous en karaté cinéphilique. Voilà, c'est tout, c'est pas grave. Bon, par contre, si vous pouviez répondre que vous avez aimé, ça m'arrange un peu plus, parce que le thread où je dis que c'est nul d'avoir aimé, il est un peu mieux. Alors, si vous parlez de la biographie, non, je ne l'ai pas lu. Par contre, excusez-moi, mais moi, j'étais venu exactement pour faire la promo et j'ai l'impression d'être pris en otage. Dans ah ouais, c'est sûr. Alors, le gars, non seulement il monopolise la parole, mais en plus, il veut faire sa propre pub. Non, mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable, ça, ouais. Non, mais sérieux. En plus, Armel, il n'y a pas de bol de chips. Ils sont où, les chips? Les chips, bordel, à chaque fois, il dit au producteur, mets des chips. Il dit, il veut pas que je mette des chips. Est-ce que je peux avoir mes chips? Non, vous n'auriez pas de chips, Victor. Victor, est-ce que vous avez vu Last Night in Vertu? Non, alors, j'ai pas pu, je vais vous expliquer pourquoi. Si, j'ai vu le premier quart d'heure, et soi-disant que ça gênait les gens que The Live Tweet, enfin, X, comme il faut dire maintenant, moi, excusez-moi, j'ai pas un petit smartphone de merde, moi, j'ai une tablette Surface, alors c'est vrai, un peu grosse, et on m'a mis dehors, soi-disant, de gêner les voisins derrière à cause de la luminosité de ma tablette. Alors, si on peut plus live tweeter, quand on est cinéphile et qu'on est au cinéma, sérieusement, mais alors c'est incroyable, quoi. Incroyable. Excusez-moi, en fait, on m'a invité pour parler de mon film que vous n'avez pas vu. Mais de toute façon, il est nul, votre film. Voilà, c'est tout, il est nul. Mais vous... Bon, les garçons, moi, ce que je propose, c'est que vous respirez, vous vous détendez, puis on va passer un bon moment, ok? Erwan, voilà, Victor. Voilà. On peut faire one, tu mets jamais des invitations pour tes films. Jamais, c'est sur la liste d'invitations. C'est dégueulasse, merde. Victor, c'est ma société de production qui gère tout ça. Moi, je ne peux pas gérer. Je trouve ça dégueulasse. Sous prétexte que je dis tout le temps que c'est de la merde. Vous savez ce que je vais faire, Victor? Je vais aller vous chercher un petit bol de chips. Bah oui, les chips. Voilà, un petit bol de chips. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau là? Oui, bien sûr. Il fait très très chaud dans le studio. Est-ce que tu veux du Foufen, Erwan? Il paraît. Est-ce que. Je me suis essayé de dire que c'est bien le Foufen. Bon, alors un petit verre de chouchen, c'est bon.